je l'accueille et je la mange. Oh, sans chapeau tu ressembles à zéro. Oh, dans le soleil, j'entends bien que c'est pareil. Oh, sans chapeau tu ressembles à zéro. Je l'accueille et je la mange. Je l'accueille et je la mange.